tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet d'un kilo d'oignons jaunes origine France à seulement 79 centimes. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, calibre 50-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Frédéric Ruchot, Noam Morgenstern. Cinquième épisode. On distribuait un courrier de France à bord de la Circé, en rade d'Alongue, à l'autre bout de la terre. Mohan, Sylvestre. Merci. C'est pas l'écriture de Gaude ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouvre, tu verras bien. Ploubalanec, ce 5 mars 1884. Mon cher petit-fils, c'est ma grand-mère. C'est comme si elle avait deviné que demain nous partions pour aller au feu. On était au milieu d'avril. Les renforts ne suffisaient pas. Alors, on prenait à bord des navires tout ce qui pouvait combattre pour compléter les compagnies déjà débarquées au Tonkin. Mon cher enfant, je ne te fais pas écrire par ta cousine parce qu'elle est dans la peine. Son père a été pris de mort subite et nous avons appris que toute sa fortune a été mangé à de mauvais jeux d'argent qu'il aura fait dans Paris. On va vendre sa maison et ses meubles. Je pense que cela va te faire, comme à moi, beaucoup de peine. Le fils Gaos te dit bien le bonjour. Il a renouvelé son engagement sur la Marie et le départ pour l'Islande a eu lieu d'assez bonne heure cette année. Ils ont appareillé l'avant-veille du grand malheur arrivé à notre pauvre Gaude et ils n'en ont pas eu connaissance encore. Mais tu dois bien penser, mon cher fils, qu'à présent, c'est fini. Nous ne les marierons pas, car elle va être obligée de travailler pour gagner son pain. Mauvaise nouvelle, Mohan ? Tu ne peux pas savoir. Je n'ai même plus envie d'aller me battre. Une balle qui siffle. C'est sur une plaine infinie. Le ciel est gris, pesant. On est là. 6 matelots armés, en reconnaissance au milieu des rizières. Les Chinois ! Tout près de nous, les balles s'enfoncent dans le sol inondé. On les voit ricocher, comme des sauterelles dans l'herbe. Cela n'a pas duré une minute. Le silence absolu revient. Nulle part on n'aperçoit rien qui bouge. On est tous les 6 encore debout, à chercher d'où cela a pu venir. De là-bas, sûrement, ce bouquet de bambou. Alors on y court, en pataugeant dans la rizière. Rien ne siffle plus. On dirait qu'on a rêvé. Les Chinois ! Ils arrivent de tous côtés, surgissent entre les herbages. Mohan est tout près de moi, très beau, un vrai guerrier. Un jaune le met en joue. Mohan s'est arrêté, souriant, méprisant, sublime. Le coup part. Et Mohan se retourne vers moi, avec son air un peu naïf, et il dit, comme une phrase qu'il aurait apprise depuis toujours, « Je crois que j'ai mon compte. » Il ouvre grand la bouche pour prendre l'air plein ses poumons, mais il a un trou sous sa vareuse, qui fait un petit bruit comme un soufflet crevé. En même temps, sa bouche déborde d'une écume de sang. Il tourne sur lui-même, la tête renversée, et puis il tombe, comme une pierre dans la boue. Environ 15 jours après, Sylvestre fut envoyé en rade à Long et mis à bord d'un navire hôpital qui rentrait en France. On avait fait ce qu'on avait pu, mais sa poitrine s'était remplie d'eau, et l'air entrait en gargouillant par ce trou qui ne se fermait pas. On lui avait donné la médaille militaire. Mais il n'était plus un guerrier. Il était redevenu un enfant avec le mal du pays. Se sentir si malade et si loin, tant de jours et de jours avant d'arriver au pays, cet effroyable éloignement était une chose qui l'obsédait. Aussi, il avait supplié qu'on l'embarquât au risque de tout sur ce long chemin de France. Il recommença en sens inverse sa promenade à travers les mers. Seulement, cette fois, au lieu de vivre comme un oiseau dans le vent des hunes, c'était dans les lourdeurs d'en bas, au milieu des exhalaisons de remèdes, de blessures et de misères. Le mal ne s'améliora pas. Et les médecins pensèrent que la mort ne pouvait plus être évitée. Près de l'équateur maintenant, dans l'excessive chaleur des orages, sur une mer tourmentée par la mousson. Ce jour-là, en bas, il faisait sombre. On avait été obligé, à cause de la houle, de fermer les mantelets en fer des sabords, et cela rendait plus horrible cet étouffoir de malades. Mohan allait plus mal. Couché sur son côté percé, il le comprimait des deux mains pour immobiliser cette décomposition liquide dans le poumon droit. Le matin, il avait fait appeler le prêtre. Et celui-ci avait été surpris de trouver sous cette enveloppe virile la pureté d'un petit enfant. Il demandait de l'air, mais il n'y en avait nulle part. Ni pour les vivants, ni pour les mourants. Pour lui faire plaisir, on a fini par ouvrir un sabord. C'était le soir, vers 6 heures. Il entra de la lumière, de l'éblouissante lumière rouge. Le soleil couchant apparaissait à l'horizon avec une extrême splendeur, dans la déchirure d'un ciel sombre. Une dernière vision l'agita beaucoup. Sa vieille grand-mère, sur un chemin, la pluie tombait sur elle de nuages funèbres. Elle se rendait à Paimpol, au bureau de la marine, pour y être informée qu'il était mort. Il se débattait maintenant. Il râlait. On épongeait au coin de sa bouche de l'eau et du sang. Et le soleil magnifique l'éclairait toujours. On eût dit l'incendie de tout un monde, avec du sang plein les nuages. À ce moment, ce soleil se voyait aussi là-bas en Bretagne, à midi. Il était bien le même soleil, mais il éclairait d'une douce lumière la grand-mère Yvonne qui travaillait à coudre, assise à sa porte. En Islande, où c'était le matin, il paraissait aussi à cette minute de mort. Pâli davantage, il rayonnait tristement dans un fjord, et le ciel était d'une pureté hyperboréenne qui éveille des idées de planètes refroidies. Yann pêchait au milieu de ses aspects lunaires. Au moment où le soleil équatorial disparut tout à fait, Sylvestre redevint très beau et très calme, comme un marbre couché. Aussi bien, je ne puis m'empêcher de compter cet enterrement que je conduisis moi-même là-bas, dans l'île de Singapour. On en avait assez jeté d'autres dans la mer de Chine, alors on s'était décidé à le mettre en terre. C'était le matin, de très bonne heure à cause du terrible soleil. Dans le canot qui l'emporta, son corps était recouvert du pavillon de France. La grande ville étrange dormait encore. Nous traversâmes cette Babel au soleil levant. Et puis, ce fut une émotion de retrouver là le calme d'une église française. Sous cette haute nef blanche, le Dies Irae chanté résonnait comme une incantation magique. Par les portes ouvertes, on voyait des choses qui ressemblaient à des jardins enchantés. Le vent secouait les grands arbres en fleurs et c'était une pluie de pétales d'un rouge de carmin qui tombait jusque dans l'église. Après, nous sommes allés au cimetière. Notre petit cortège était bien modeste. Il nous fallut traverser un fourmillement de monde jaune, des Chinois, des Malais, des Indiens. Ensuite, la campagne, déjà chaude. Des chemins ombreux où volaient d'admirables papillons aux ailes de velours bleu. Un grand luxe de fleurs, de palmiers, toutes les splendeurs de la sève équatoriale. Enfin, le cimetière. Des tombes mandarines avec des inscriptions multicolores, des dragons et des monstres. D'étonnants feuillages, des plantes inconnues. L'endroit où nous l'avons mis ressemble à un coin des jardins d'Indra. Sur sa terre, nous avons planté une petite croix de bois qu'on lui avait faite à la hâte pendant la nuit. Sylvestre Mohan, 19 ans. Et nous l'avons laissé là, pressé de repartir. Un jour de la première quinzaine de juin, comme la vieille Yvonne rentrait chez elle, des voisines lui dirent qu'on était venu la demander de la part du commissaire de l'inscription maritime. Trottinant assez vite et menue dans ses sentiers de falaise, elle s'achemina vers Paimpol. Le guetant de juin souriait partout autour d'elle. Sur les hauteurs pierreuses, il n'y avait que les ajoncs ras aux fleurs jaunes d'or. Mais dès qu'on passait dans les bas-fonds abrités contre le vent de mer, on trouvait tout de suite la belle verdure neuve, les haies d'aubépines fleuries, l'herbe haute et sentant bon. Ce printemps était presque sans amour dans ce pays d'Islandais, et les belles filles que l'on apercevait, rêveuses, sur les portes, semblaient darder, très loin au-delà des objets visibles, leurs yeux bruns ou bleus. Les jeunes hommes à qui allaient tous leurs désirs et leurs mélancolies étaient là-bas, pêcheurs d'Islande. Mais c'était un printemps tout de même tiède, suave et troublant, avec de légers bourdonnements de mouches, des senteurs de plantes nouvelles. Et tout cela qui est sans âme continuait de sourire à cette vieille femme sur qui s'étaient accumulées les saisons, à présent brèves comme des jours. La voilà dans la ville grise, dans les rues de granit, donnant le bonjour à d'autres vieilles. Intriguée de la voir, elle disait « Où va-t-elle comme ça si vite, en robe du dimanche, un jour de semaine ?» Monsieur le commissaire de l'inscription ne se trouvait pas chez lui. Un petit être très laid qui était son commis se leva avec un air d'importance pour prendre dans un casier des pièces timbrées, des certificats, un livret de marin jauni par la mer. Il les étala devant la vieille grand-mère. « Mohan, Jean-Marie Sylvestre, inscrit à Paimpol, folio 213, numéro matricule 2091, décédé. » Quelque chose se chavira dans sa tête. Elle confondait cette mort avec d'autres. Elle en avait tant perdu, des fils. Il lui fallut un instant pour bien entendre que celui-ci était son dernier, le petit Sylvestre, celui à qui se rapportaient toutes ses prières et toute sa vie. Est-ce que c'était comme ça qu'on annonçait à une grand-mère la mort de son petit-fils? Elle avait hâte de s'enfermer chez elle, comme une bête blessée qui se cache pour mourir. Dans Paimpol, elle passa tout d'une pièce, ne regardant personne, le corps un peu penché comme qui va tomber. Gaude la trouva le soir chez elle, toute décoiffée, gémissant, mais ne pouvant presque pas pleurer. Les trop vieilles grand-mères n'ont plus de larmes dans leurs yeux. Mon petit-fils, qui est mort. Elle lui jeta sur les genoux les lettres, les papiers, la médaille. Gaude vit que c'était vrai et se mit à genoux pour prier. Elles restèrent là ensemble, presque muettes les deux femmes, tant que dura ce crépuscule de juin. La lueur jaune du soir entrait par la lucarne dans cette chaumière des Mohanes qui était maintenant une famille éteinte. Je viendrai, moi, ma bonne grand-mère, demeurer avec vous. J'apporterai mon lit qu'on m'a laissé. Je vous garderai. Je vous soignerai. Vous ne serez pas toute seule. Oh, pardon, Sylvestre. Pardon. Je pense à Yann. On va lui faire savoir que mon petit frère Sylvestre est mort. Il l'aimait bien. Comme un frère lui aussi. Puisse notre douleur commune nous réunir. C'était Pêcheur d'Islande. De Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Frédéric Ruchot, grand-mère Yvonne, Noam Morgenstern, Sylvestre Mohan. Et les voix de Georges Clès, Laurent Cléry, Jean-Christophe Dolé, Régis Chaussard, Régis Romélé,